بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الآن سنواصل في الدروس الماضية ونبي بخي الله سبحانه وتعالى envoyé le prophète محمد صلى الله عليه وسلم pour briser les asnam qu'adoraient les arabes les mushrikoun dont l'origine venait des idoles du Qoum de Nour, alayhi salam. Qui étaient des hommes pieux, qui ont été adorés par la suite après leur mort. Après que les gens ont oublié les ilms, oublié les asbab, les causes, et yani se sont mis à les adorer. Wa hadha mimma yadul ala anna al-jahl min asbab al-wuqu' fi shirk, kadhalik, l'ignorance est une des grandes causes qui amène à tomber dans le shirk. Le taswir, kazalik, le fait de façonner des images, car ces hommes n'ont pas été adorés sinon après avoir été représentés. Et qu'il s'agisse de taswir bidimensionnel, c'est-à-dire en images comme des photos, ou des dessins ou des vidéos, ou tridimensionnel comme des statues, des figurines, voire les zalik. Kulluha shay'un wahid, hukm wahid, c'est le même jugement pour tous, car tous s'appellent taswir et tous s'appellent surah. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّ أَشَدَ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ, que les gens qui ont le plus grand, le plus dur châtiment, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ce sont les مُصَوِّرُونَ. Et là, c'est elles, c'est-à-dire les مُصَوِّرُونَ, c'est pas certains d'entre eux, ou différentes catégories, comme pendant Usul al-Fiqh, c'est elles, مُصَوِّرُونَ, là, c'est elles, الاستغراق, celles qui, on peut dire devant, كُلْ الْمُصَوِّرِينَ. Toute personne qui façonne des images est sous la menace de ce hadith, cette grande menace. Taïb, Alain Sanou Wassil. Et là, il va entrer dans ce qui concerne plus des choses qu'on a appris dans Al-Qawaid Al-Arba, qui sont que le Tawhid Al-Rububiyya, même celui qui l'a pour croyance, ce n'est pas pour autant que ça croit de lui un mu'min, un mu'wahid. Taïb. فقال المؤلف رحمه الله تعالى أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجهلون بين المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون نريد منهم التقرب إلى الله نريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وناس غيرهم من الصالحين. Donc Allah سبحانه وتعالى envoyé, ça c'est le calendrier de l'auteur dans le matin, que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, auprès de Nas, de gens qui faisaient des actes d'adoration, qui faisaient le hajj, qui faisaient des sadaqas, qui faisaient du zikr, qui se rappelaient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, et même beaucoup de zikr. Cependant, c'était quoi leur défaillance? C'est qu'ils mettaient entre eux et ils prenaient certaines de la créature pour les mettre intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent que nous voulons de ces créatures qui nous rapproche d'Allah. Nous voulons d'eux leur intercession. Comme par exemple les Malaïka, ou Isa, ou sa mère, ou d'autres gens parmi les gens pieux. Donc le Shir explique cela, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à des gens qui faisaient des actes d'adoration, mais dont cette adoration était ba'atila. Hein, et balatuhum kanat ba'atila. Elle n'avait aucune preuve, n'était fondée sur rien. Beaucoup d'actes, mais qui étaient appliqués vainement. Pourquoi? C'était des kuffars. Et parmi les conditions déjà pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il faut être musulman. Il faut être un mu'min. Il faut avoir l'iman. L'iman est sahih. Donc il mettait ces créatures entre eux et Allah comme intermédiaire. C'est-à-dire qu'il n'adorait ces idoles, pas dans le fait que ces idoles créaient, ou que ces idoles, yani, donnaient la vie, donnaient la mort, apportaient la nourriture, faisaient un mal, faisaient un bien, de façon générale. Il y en a certains, il y avait ça, mais on parle de, à la voix du l'umum. C'est pas ça leur but. Quand ils adoraient ces idoles, ou ces gens, leur but, c'était de se rapprocher d'Allah, à ce moment-là. Ils n'adoraient pas ces créatures pour elles-mêmes. En disant que cette idole, c'est une divinité, c'est elle qui va me donner un fils, c'est elle qui va me faire mourir, c'est elle qui va ou c'est elle qui va me faire ceci, c'est elle qui va me faire cela. Ces gens-là, auprès de qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est envoyé, avaient pris ces idoles comme intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour avoir la shafa'a, également la shafa'a auprès d'Allah. Wa qala ta'ala, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ. Et que l'intercession des intercesseurs ne leur servira à rien. Car cette intercession a des conditions. Elle a des conditions. Que Allah subhanahu wa ta'ala déjà agrée l'intercesseur et qu'il agrée celui pour qui on intercède et qu'il donne l'autorisation. Et bien évidemment, il faut que les deux soient des gens de l'islam. Que les deux, intercédés et intercesseurs, soient des gens de l'islam. Amal mushrik, son intercession, elle est refusée. Et si un musulman venait intercéder pour un mushrik, son intercession également serait refusée. Et personne ne peut affirmer de pouvoir intercéder si ce n'est ba'd iznillah. Donc demander la shafa'a à quelqu'un, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui revient à la décision finale. C'est lui qui dit oui ou qui dit non. Donc cette façon de faire qu'il prenait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, ne faisait que le rejeter du bourd. Kanu yabta'iduna 'anillah. Il prenait des moyens de rapprochement, desquels ils n'ont résultat qu'un éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'expliquait, tu veux te rapprocher de quelqu'un par une chose qu'il déteste, qu'il t'a interdit de faire. Cette personne-là va t'aimer encore moins. Toi, tu veux son amour, il va t'aimer encore moins. Hakada. Wa ba'da hadha, qala fi al-matn. Fab'atha Allah Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam yujaddid lahum din abihim Ibrahim alayhi salam. Wa yukhbiruhum anna hadha taqarruba wal i'tiqad mahd haqqun lillah wa haqqu Allah ta'ala la yasluh minhu shay'un li ghayrillah. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما إلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. Donc Allah SWT a envoyé, là dans le matin, l'auteur reprend en disant que Allah SWT a envoyé Mohammed pour le revivifier la religion de leur père Ibrahim, alayhi salam. Car à la base, les Arabes, les Ummiyins, étaient censés suivre Millat Ibrahim. Ils n'étaient pas des gens du livre, ils n'étaient pas des Nasara, ils n'étaient pas des Yahoud. Et eux, les restes de religions qu'ils avaient, comme le Hajj et autres, étaient des choses qui restaient de la religion de Ibrahim, alayhi salam. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour le revivifier cette religion, c'est-à-dire cette croyance sur laquelle était Ibrahim, qui est que cette façon de se rapprocher et cette croyance ne sont un droit qui ne revient que à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ces gens que tu prends, ces créatures que tu prends pour t'approcher d'Allah, ces actes que tu commets de rapprochement, ces actes de façon absolue ne reviennent que à Allah subhanahu wa ta'ala et pas à ces créatures. Ni pour un ange rapproché, ni pour un messager envoyé. Alors que dire d'autres que eux, qui sont les meilleurs des créatures? Si tu peux le faire ni pour un ange, ni pour un messager, alors pour qui tu vas le faire? Donc ces gens-là étaient des mouchrikoun. Et ils reconnaissaient, témoignaient que Allah subhanahu wa ta'ala était le Khaliq. Seul. La sharikala. C'est lui qui donnait la subsistance, et non pas ses idoles. Que c'est lui qui donnait la vie, et non pas les idoles. Et c'est lui qui donnait la mort, et non pas les idoles. Et c'est lui qui avait le contrôle des choses qui touche à la création, comme la descente de pluie, comme les vents, ou à tout cela, ils savaient que cela venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savaient que tous les cieux, et ce qu'ils comprenaient, ainsi que les terres, les sept terres, ce qu'ils comprenaient, tout cela était sous la servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils le savaient. Tout sous contrôle, et sous l'autorité. Ça, c'est le kalam du mu'allif dans le matn. Donc là, le shir explique. قَوْلُهُ فَبَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ سَلَّمْ يُجَدِدْ لَهُمْ دِنْ أَبِيهِمْ إِبْرَاهِمْ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'expliquait, Allah a envoyé Muhammad à des gens qui faisaient des adorations, mais celles-ci étaient vaines. Et donc Muhammad est venu pour les avertir de cela. Que ce que vous faites, c'est ba'atil, ça va vous nuire. Comme a dit Allah, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Que celui qui associe à Allah, Allah lui aura interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et il n'y a point de secoureur pour les injustes. Il aura éclairci, وَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ حَقُّ اللَّهِ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْهَا لِغَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا لِمَلَكِ مُقَرَّبٍ وَلَا لِنَبِيٍّ مُرْسَلٍ فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِمَا. Que toutes les adorations qu'ils font, elles ne sont que pour Allah. Tu ne peux le faire pour un ange, ni pour un messager. Donc, que dire d'autre que eux? Et quoi que tu fasses, à partir du moment où c'est une ribada, elle doit être pour Allah seulement. Il est venu leur enseigner cela et leur avertir que ces actes qu'ils font, eux les voient comme étant du bien, et alors qu'elles sont le pire des maux. Ils pensent que cela les rapproche d'Allah, cela les éloigne d'Allah, en réalité. Ils pensent que cela sera une cause qui entreront au paradis, cela est la principale cause pour entrer au feu de l'enfer. Et dans sa parole, qu'il revivifie la religion de Ibrahim, alayhi salam, قال الشيخ كأن يشير إلى قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. Que c'est comme si l'auteur indiquait par là le verset où Allah, dans le sens où il dit, et nous t'avons révélé de suivre la milla, la religion d'Ibrahim, Hanifa, qui n'était pas des mushrikin. Voyez, al-Hanifiyya qui était la milla d'Ibrahim, alayhi salam. Donc cette adoration est un droit pur et qui ne revient que à Allah. Donc comme nous l'avons dit, ces gens vers qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est envoyé, reconnaissaient Allah comme étant le créateur. Toutes ces choses-là, alhamdoulilah, on les a déjà prises dans Al-Qawaid Al-Arba'a. Ya ma'louma, yani lada aksarikum, alhamdoulilah. C'est des choses simples qu'on connaissait déjà, mais pas de masse qu'on se les répète, car ce qui est répété, yani, s'ancre mieux dans l'esprit, au fur et à mesure. Et ça, ce sont des choses, des usul, qui nous sont obligatoires de savoir. Des choses qu'il est obligatoire de connaître. Donc, quitte à répéter, Adama et Adour. Donc, ces mushrikoun avaient pour croyance que Allah, c'était lui le créateur. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui les avait créés eux-mêmes. Et c'est lui qui contrôlait toutes les choses. Comme a dit Ta'ala, وَلَيْنَ سَيْلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Que si jamais tu les interrogeais, qui donc a créé les cieux et la terre, ils diront, certes, c'est le puissant savant. الْعَزِيز الْعَلِيمُ. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. Si jamais tu leur demandais qui les a créés, ils diront certes que c'est Allah. Il y a beaucoup de versets dans ce sens sont venus dans le Coran. Donc cela te confirme bien qu'ils reconnaissaient la rububiyya, mais que cela ne leur a servi à rien. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, ces gens-là, malgré cette rububiyya qu'ils avaient, et encore, ils ne l'avaient pas à 100%. Il y avait un khalil même dans le rububiyya, des choses qui étaient bien sûr à revoir. On ne dit pas que la rububiyya, elle était pure. Même dans la rububiyya, il y avait des choses. Mais de façon générale, Tawhid al-Rububiyya, il l'avait. ثم قال المؤلف فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فإقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله فقل أفلا تتقون. Donc si jamais tu veux avoir la preuve que ces gens-là que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a combattu, attesté que Allah était bien leur créateur, attesté de la rububiyya, alors lui il a parlé là dans le sens où il dit, et si jamais tu leur demandais qui leur attribue la subsistance depuis les cieux et la terre, qui est-ce qui possède l'ouïe et les vues, qui sort le vivant du mort et qui sort le mort du vivant, et qui contrôle toutes les choses, ils diront certes que c'est Allah. Dit, alors ne craignez-vous donc pas. وَقُولُوا تَعَالَى قُلْ مَنْ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالسَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِي مَلَكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ وَلِذَلِكَ مِنَ الْآيَةِ. Donc le deuxième verset également dans le sens où Allah dit à qui donc appartient la terre, est-ce qu'elle comporte, ou ce qu'elle comporte, si jamais vous saviez. Ils diront certes à Allah, dis, ne vous rappelez-vous donc pas, dis, qui est le Seigneur des cieux, des sept cieux, et le Seigneur du trône immense. Ils diront, c'est pour Allah, certes c'est Allah. Dis, ne craignez-vous donc pas, dis, qui donc a dans sa main la royauté de toute chose, et qui protège qui n'est pas protégé, si jamais vous saviez, ils diront, c'est Allah. Donc comment vous détournez? Donc tous ces versets démontrent clairement que les mouchrikoun, là c'est Allah SWT qui nous le dit, que ces mouchrikoun savaient très bien cela. Et ces as'ilah contenues dans ce verset, ces questions, ne sont pas des questions dont on attend une réponse. Souel taubirin, des questions pour te blâmer. Pas même, c'est une chose qu'on sait que tu connais la réponse, et la réponse, tu sais que je connais ta réponse, je te pose une question, d'accord, dont je sais que tu connais la réponse. Et mon but, c'est de te rappeler, c'est-à-dire te montrer que tu es contradictoire. Si tu sais telle et telle chose, alors pourquoi tu agis de la sorte? C'est comme par exemple quelqu'un, un exemple, quelqu'un qui fumerait, tu lui dis, par quoi tu respires? Il va te dire, par les poumons. Et tu dis, et quelles sont les parties du corps que cette cigarette, elle nuit le plus? Il va dire, les poumons. Et qu'est-ce que le tabac amène comme plus grande maladie? Il va dire, le cancer. Il dit donc, tu ne réfléchis pas à ce que tu fais? Parce que la personne, en fait, c'est une question, tu l'appelles la, tu le mets en attention son erreur. La réponse, tu sais qu'il la connaît. Et lui, quand tu lui poses la question, il sait que tu connais la réponse toi aussi, et il sait que tu sais qu'il sait la réponse. T'as même? Donc ça s'appelle Souel Inkari wa Tawbihi. Dans le Coran, il y en a beaucoup. Sur des questions où la réponse, elle est connue. C'est juste pour te rappeler que ce que tu fais là, c'est une chose qui est mauvaise. Donc tout cela, les mouchrikoun le savaient, que les cieux et la terre appartenaient à Allah, et tout ce qu'ils comprenaient. Que Allah SWT avait un arche, même le trône, ils y croyaient. Toutes ces choses-là, ils y croyaient. Sans pour autant qu'ils n'aient attribué leur adoration pour Allah seul. C'était ça le but. Pour dire, si vous savez telle et telle chose, telle et telle chose, telle et telle chose, alors pourquoi ces actes d'adoration vous le tournez vers autre que lui? Car la règle, vous la connaissez. Tawhid al-Rububiyya yastalzim Tawhid al-Uluhiyya. Wa Tawhid al-Uluhiyya yatadhamman Tawhid al-Rububiyya. On le répète, que le Tawhid al-Rububiyya implique le Tawhid al-Uluhiyya. Si tu sais qu'Allah c'est le Seigneur, alors cela doit te forcer à l'adorer. Seul. Si tu sais que c'est lui le Créateur qui accorde la subsistance et tout cela, cela t'oblige, qui donne la vie, qui donne la mort, cela t'oblige à l'adorer lui, et pas autre. Et Tawhid al-Uluhiyya, le Tawhid de l'adoration, tu ne peux adorer qu'une chose, justement, qui crée, qui donne la vie, qui donne la mort, qui a le contrôle de toute chose. Seule cette chose-là peut être adorée. Et c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est tout, pas autre. Donc l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut différencier entre les deux. ثم قال في المتن فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعا إليهم أو دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن التوحيد الذي جهدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. Donc maintenant, si tu as réalisé cela, que ces gens-là reconnaissaient le tawhid, quand même de Rububiyya, et que tu as compris que cela ne nous a pas entré en tawhid auquel les a appelés le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est tawhid al-Uluhiyya, alors tu sauras que c'est celui-là qu'ils ont renié. Le tawhid qu'ils ont renié, c'est tawhid al-Uluhiyya, al-Ibada, celui que les mouchrikoun appellent à notre époque l'irtiqad. Ils appellent l'irtiqad, la croyance. Comme du fait qu'ils invoquaient Allah nuit et jour. Donc le shir explique par rapport à cela. Là on comprend que le tawhid qui a été la frontière entre le mushrikoun et les mu'minoun, c'est tawhid al-uluhiyya, celui pour lequel les messagers ont été envoyés. Comme vous le savez. Alhamdulillah, vous avez compris cela. Et également vous avez compris que tawhid al-rububiyya ne suffit pas de faire le trop incroyant. Contrairement à ce que des gens pensent. Que des gens disent, si tu crois au Créateur et qu'il n'y en a qu'un seul, c'est bon, tu es un croyant. On dit non, ça ne suffit pas. Pas du tout. Mushriku Quraysh kanu yartaqiduna dhalika. Wa ma'adha hadha qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa yudkhiluhum fil islam. En fait, ça nous a quand même combattu. Ils ne sont pas entrés en islam alors qu'ils savaient qu'il y avait un créateur. Donc pourquoi il les a combattus? Toi aujourd'hui, tu dis que ces gens-là sont des croyants et des gens qui avaient la même croyance que ces gens-là ont été combattus par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son époque. Donc c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'aujourd'hui, on ignore beaucoup de choses, on n'a pas compris. Donc il faut apprendre, alhamdoulillah, et assimiler et surtout appliquer par la suite. Donc le tawhid refusé par les mouchtikoun, c'est celui de l'ouluhiyya. Et tant que celui qui se dit croyant n'a pas reconnu cela, il ne l'est pas. Ce n'est qu'une prétention. Naam. Donc aujourd'hui, on s'est arrêté là, kazalik. Tous ces points-là, alhamdoulillah, on déjà appris. On a appris dans Usul Salasa, on a appris dans Qawaid al-Arba'a, on a appris dans Usul al-Iman, alhamdoulillah. Et faut savoir une chose, c'est que les ulama, les mashayikh, conseillent beaucoup d'étudier ce livre, Kashf al-Shubuhat, après Kitab Tawhid. C'est plus adéquat. Bien qu'ils ont dit que si jamais tu as étudié ces autres kutub avant, les petites rasaïl, comme celle qu'on a faite, marichey, tu peux le faire. Mais juste, par rapport à des masaïl ou des tafsil, celui qui a fait Kitab Tawhid, on va dire la grosse base est ancrée en lui. Après, par la suite, dans les kutub comme celui-ci, il peut passer facilement et rapidement. Alors que des fois, il y a des masaïl dans ce livre-là, faut faire un tafsil, que celui qui a étudié Kitab Tawhid n'a pas besoin, il s'en passe. Car il a déjà compris, il a déjà assimilé. Donc le meilleur dans ce genre de livre, comme Shah de Kefsh et Shubuhat, c'est de le faire après Kitab Tawhid. C'est mieux. Ce n'est pas obligatoire, c'est pas lazim, car des gens sont de compréhension différente. Des gens, ils comprennent très vite. Tu leur fais des kutub difficiles, depuis le début, ils comprennent très vite. Et t'en as, ils ont besoin d'avoir un cursus particulier. D'avancer par étapes, ce qui est la base. La base, c'est commencer par le plus facile et le plus court pour finir par le plus long. On commence par les petits kutub avant d'entrer dans les longs. On s'habitue à cela. Non. Fabien Delcode Naktafi, Nakul Hamdulillah, Rabbil Alamin.